Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa, parmi les premiers livres qu'a écrit al-Sheikh al-Allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali, habidahullahu ta'ala wa ra'ah, dans le secours de la sunnah, ce livre précieux qu'il nomma Manhaj al-Anbiya fi al-da'wati ila Allah azza wa jal fihi al-hikmat wa al-aqla, que l'on pourrait traduire par, dans le sens approximatif, la voix des prophètes dans leur appel à Allah, Azza wa Jal. Il y a dans cet appel la sagesse et l'intelligence. Il faut savoir que ce livre fut un livre précurseur en réponse à la voix de l'Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, dans lequel il détailla et éclaircit le danger de cette secte. Ce livre parut en premier lieu dans la revue de l'Université islamique de Médine, le numéro 63 et 64, au mois de Rajab de l'année 1404, c'est-à-dire il y a environ une quarantaine d'années, de la page 23 à la page 74. Après cela, le livre fut édité avec des ajouts à ce qui fut paru dans la revue de l'Université islamique, et avec une préface de Sheikh al-Allama Salih al-Fouzan, Hafidahullah, ceci en l'an 1420. Puis après cela, il fut réédité de nombreuses fois et fut répandu à travers le monde. Nous trouvons maintes éloges des gens de science à propos de ce livre, à commencer par al-Allama al-Fouzan dans sa préface, qui est une préface très précieuse où il éclaircit la voix des gens de la sunna dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, de même qu'il cita les caractéristiques du prédicateur et les piliers de la prédication construite sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fit aussi, hafidahullah, l'éloge de Sheikh al-Allama Rabi ibn Hadi dans cette préface et l'éloge de ce livre précieux. De même que nous trouvons l'éloge d'autres savants à propos de ce livre, comme l'Allama Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, lorsqu'il fut interrogé à propos de ce livre, il répondit que Sheikh Rabi', hafidahullah, dans ce livre, détailla la voix des frères musulmans, il les appelait l'Ikhwan al-Muflisin, des frères en faillite. Nous trouvons aussi l'éloge de Sheikh Al-Allama Zayd ibn Muhammad al-Madkhali rahimahullah ta'ala dans sa préface du livre de Sheikh Rabi', Jama'atun wahida la jama'at, donc un seul groupe et non plusieurs groupes, où il fit l'éloge de Sheikh Rabi' en disant que parmi ceux qui à notre époque se sont avancés à réfuter les livres de Sayyid Qutb de al-Mawdoudi, des groupes égarés et sectaires, parmi les Tablir, parmi eux Al-Khawarij, etc. Il dit notre frère, Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qui est un membre du corps enseignant de l'université de Médine, donc ceci est la parole de Sheikh Zayd à ce moment-là dans cette préface, et ceci dans 6 livres. Il dit le premier de ces livres, ce livre à propos duquel nous parlons, Manhaj al-Anbiya fi al-da'wati ila Allah. Puis il faut savoir que ce livre, comme dans la série de cours que nous avons commencé, ce livre traite de la voix des prophètes dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh s'applique à démontrer que cette voix est la seule qui doit être suivie et la seule qui garantit le succès de celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que Al-Sheikh dans ce livre, comme nous allons le voir dans les cours prochains, détailla la da'wah, la prédication, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala de 5 de ses prophètes, Nuh, Ibrahim, Yusuf, Moussa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhimus salatu wa sallam, de même que la prédication et l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala de ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Puis al-Sheikh, bien sûr tout au long du livre, al-Sheikh pose quelques questions auxquelles il répond lui-même. Et à la fin de l'exposé de l'appel de ses messagers, il pose une question à laquelle il répondra et dont le résumé de cette question est « Est-il permis au prédicateur, ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala, à n'importe quelle époque, de se détourner de la voix des prophètes dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala ?» La réponse, bien sûr, ceci n'est pas permis. Ni du point de vue de la législation, shara'an, ni du point de vue de la raison, aqlan. Le fait de se détourner de cette voie et le fait de choisir pour soi-même une autre voie que celle-ci. Puis Cheikh Rabia, dans le livre, détailla cette réponse et termina en éclaircissant et en expliquant que ceux qui se sont détournés de cette voie parmi les contemporains ont emprunté deux voies. Soit la voie de At-Tablir, Jama'at At-Tablir, soit la voie de Al-Ikhwan, Al-Muslimin, les frères musulmans, qui ont fait que la politique et de rechercher à gouverner était leur but. Ils ont commencé par cela, leur appel à Allah Azza wa Jal, et ils ont délaissé la voie qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tracée pour ses prophètes, alayhi mussalatu wassalam. Puis Cheikh Rabi' aussi donna quelques exemples des paroles de certains d'entre eux, comme Al-Maududi et autres. Il n'y a pas de doute que ce livre est un livre très important pour celui qui désire connaître la voie des prophètes et messagers dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, dans leur prédication, de même que pour celui qui voudra connaître les bases de ce manhaj, la voie de nos pieux prédécesseurs radiyallahu anhum. Ce livre-là, comme je l'ai évoqué à de nombreuses reprises, comme le livre de Al-Shaykh Al-Allama Ahmed ibn Yahya Al-Najmi rahimahullahu ta'ala, intitulé Al-Mawrid Al-Azbu Al-Zulal. Vous trouverez dans ce livre de l'Allama Cheikh Najmi plusieurs chapitres traitant de la voie des messagers dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Il détaille aussi la déviance de ceux qui ont dévié de cette voie et se sont égarés du droit chemin dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Vous trouverez une réfutation dans ce livre de plusieurs sectes comme l'Ikhwan, Al-Tablir, de même que certaines personnalités qui ont appelé à se détourner de cette voie, comme par exemple Mohamed Sourour, qui lui aussi écrivit un livre qui l'intitula Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, donc la voie des prophètes dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est un livre très mauvais, rempli d'erreurs et d'innovations, dans lequel nous trouvons que cette personne, comme beaucoup d'autres parmi les personnalités chez Al-Ikhwan et ceux qui se sont détachés de l'Ikhwan, parmi Al-Sururiya ou Al-Qutbiya et autres, nous trouvons que cette personne ne comprend pas du tout la voix des messagers. Plutôt, lui comme bien d'autres, manque de respect à cette voix en prétendant que la voix que eux ils empruntent, que ce soit une voix politique, une voix spirituelle, etc., se détournant de cette voie qu'Allah Azza wa Jalla a tracée pour ses messagers, est meilleure que celle-ci, comme nous voyons dans ce livre de Mohamed Sourour, où il dit, dans le sens de ses paroles, que si le peuple de Lot, alayhi salam, avait cru en lui, avait eu la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, et avait délaissé l'association d'Allah tabaraka wa ta'ala, avait répondu à l'appel de Lot concernant cela, mais s'ils étaient restés dans la turpitude qu'ils commettaient, cette foi en Allah tabaraka wa ta'ala, le délaissement de shirk, de l'association, ne leur aurait pas été profitable. Ainsi, nous voyons que ces gens-là, qui font partie des personnalités importantes de ces groupes égarés, comme les frères musulmans et ceux qui se sont détachés de eux parmi Sururiya ou Al-Qutbiya et autres, ne comprennent pas la base de la voix des prophètes et des messagers alayhi mussalat wa salam dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce livre donc Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wa al-'aql de Al-Shaykh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala est un livre très important dont je prendrai quelques passages et résumerai quelques passages et les traduirai dans des cours prochains insha Allah ta'ala wa ila huna wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.